Émile Zola, l'argent. Chapitre 1. 11 heures venaient de sonner à la bourse lorsque Saccard entra chez Champeau, dans la salle blanc et or, dont les deux hautes fenêtres donnent sur la place. D'un coup d'œil, il parcourut les rangs de petites tables où les convives affamés se serraient coude à coude, et il parut surpris de ne pas voir le visage qu'il cherchait. Comme dans la bousculade du service, un garçon passait chargé de plats, « Dites donc, monsieur Huret n'est pas venu ?»« Non, monsieur, pas encore. » Alors Saccard se décida, s'assit à une table que quittait un client dans l'embrasure d'une des fenêtres. Il se croyait en retard. Et tandis qu'on changeait la serviette, ses regards se portèrent au dehors, épiant les passants du trottoir. Même lorsque le couvert fut rétabli, il ne commanda pas tout de suite. Il demeura un moment, les yeux sur la place, toute gaie de cette claire journée des premiers jours de mai. À cette heure où le monde déjeunait, elle était presque vide. Sous les marronniers, d'une verdure tendre et neuve, les bancs restaient inoccupés. Le long de la grille, à la station des voitures, la file des fiacres s'allongeait d'un bout à l'autre. Et l'omnibus de la Bastille s'arrêtait au bureau, à l'angle du jardin, sans laisser ni prendre de voyageurs. Le soleil tombait d'aplomb, le monument en était baigné, avec sa colonnade, ses deux statues, son vaste perron, en haut duquel il n'y avait encore que l'armée des chaises en bon ordre. Mais Saccard, s'étant tourné, reconnut Mazot, l'agent de change, à la table voisine de la sienne. Il tendit la main. « Tiens, c'est vous, bonjour !» « Bonjour, » répondit Mazot en donnant une poignée de main distraite. Petit, brun, très vif, joli homme, il venait d'hériter de la charge d'un de ses oncles à 32 ans. Et il semblait tout au convive qu'il avait en face de lui. Un gros monsieur à figure rouge et rasée, le célèbre Amadieu, que la bourse vénérait depuis son fameux coup sur les mines de celle-ci. Lorsque les titres étaient tombés à 15 francs, et que l'on considérait tout acheteur comme un fou, il avait mis dans l'affaire sa fortune, 200 000 francs, au hasard, sans calcul ni flair, par un entêtement de brute chanceuse. Aujourd'hui que la découverte de filons réels et considérables avait fait dépasser au titre le cours de 1 000 francs, il gagnait une quinzaine de millions. Et son opération imbécile, qui aurait dû le faire enfermer autrefois, le haussait maintenant au rang des vastes cerveaux financiers. Il était salué, consulté partout. D'ailleurs, il ne donnait plus d'ordre, comme satisfait, trônant désormais dans son coup de génie unique et légendaire. Mazot devait rêver sa clientèle. Saccard, n'ayant pu obtenir d'Amadieu même un sourire, salua la table d'en face, où se trouvaient réunis 3 spéculateurs de sa connaissance, Pierrot, Mosé et Salmon. « Bonjour, ça va bien ?»« Oui, pas mal, bonjour. » Chez ceux-ci encore, il sentit la froideur, l'hostilité presque. Pierrot pourtant, très grand, très large, avec des gestes saccadés et un nez en lame de sabre, dans un visage osseux de chevalier errant, avait d'habitude la familiarité d'un joueur qui érigeait en principe le casse-cou, déclarant qu'il culbutait dans des catastrophes chaque fois qu'il s'appliquait à réfléchir. Il était d'une nature exubérante de haussier, toujours tourné à la victoire, tandis que Mosé, au contraire, de taille courte, le teint jaune, ravagé par une maladie de foie, se lamentait sans cesse, en proie à de continuelles craintes de cataclysme. Quant à Salmon, un très bel homme luttant contre la cinquantaine, étalant une barbe superbe d'un noir d'encre, Il passait pour un gaillard extraordinairement fort. Jamais il ne parlait, il ne répondait que par des sourires. On ne savait dans quel sens il jouait, ni même s'il jouait. Et sa façon d'écouter impressionnait tellement Mosé que souvent celui-ci, après lui avoir fait une confidence, courait changer un ordre, démonté par son silence. Dans cette indifférence qu'on lui témoignait, Saccard était resté les regards fiévreux et provoquants, achevant le tour de la salle. Et il n'échangea plus un signe de tête qu'avec un grand jeune homme, assis à trois tables de distance, le beau Sabatani, un levantin, à la face longue et brune, qu'éclairaient des yeux noirs magnifiques, mais qu'une bouche mauvaise, inquiétante, gâtait. L'amabilité de ce garçon acheva de l'irriter. Quelque exécuté d'une bourse étrangère, un de ces gaillards mystérieux aimés des femmes, tombé depuis le dernier automne sur le marché, qu'il avait déjà vu à l'œuvre comme prête-nom dans un désastre de banque, et qui peu à peu conquérait la confiance de la corbeille et de la coulisse, par beaucoup de corrections et une bonne grâce infatigable, même pour les plus tarés. Un garçon était debout devant sa carte. « Qu'est-ce que monsieur prend ?»« Ah oui, ce que vous voudrez, une côtelette, des asperges. » Puis il rappela le garçon. « Vous êtes sûr que monsieur Huret n'est pas venu avant moi et n'est pas reparti ?»« Oh, absolument sûr !» Ainsi, il en était là, après la débâcle qui, en octobre, l'avait forcé une fois de plus à liquider sa situation, à vendre son hôtel du parc Monceau pour louer un appartement. Les Sabatani seuls le saluaient. Son entrée dans un restaurant où il avait régné ne faisait plus tourner toutes les têtes, tendre toutes les mains. Il était beau joueur, il restait sans rancune, à la suite de cette dernière affaire de terrain, scandaleuse et désastreuse, dont il n'avait guère sauvé que sa peau. Mais une fièvre de revanche s'allumait dans son être. Et l'absence d'Huret, qui avait formellement promis d'être là dès 11 heures pour lui rendre compte de la démarche dont il s'était chargé près de son frère Rougon, le ministre alors triomphant, l'exaspérait surtout contre ce dernier. Huret, député docile, créature du grand homme, n'était qu'un commissionnaire. Seulement Rougon, lui qui pouvait tout. Était-ce possible qu'il l'abandonnât ainsi ? Jamais il ne s'était montré bon frère. Qu'il se fût fâché après la catastrophe, qu'il eût rompu ouvertement pour n'être point compromis lui-même, cela s'expliquait. Mais depuis 6 mois, n'aurait-il pas dû lui venir secrètement en aide ? Et maintenant, allait-il avoir le cœur de refuser le suprême coup d'épaule qu'il lui faisait demander par un tiers ? N'osant le voir en personne, craignant quelque crise de colère qui l'emporterait. Il n'avait qu'un mot à dire, il le remettrait debout, avec tout ce lâche et grand Paris sous les talons. « Quel vin désire monsieur ?» demanda le sommelier. « Votre Bordeaux ordinaire. » Saccard, qui laissait refroidir sa côtelette, absorbé, sans faim, leva les yeux, en voyant une ombre passer sur la nappe. C'était Mathias, un gros garçon rougeau, un remisier qu'il avait connu besogneux, et qui se glissait entre les tables, sa côte à la main. Il fut ulcéré de le voir filer devant lui sans s'arrêter pour aller tendre la côte à Pillerault et à Mosé. Distrait, engagé dans une discussion, ceux-ci y jetèrent à peine un coup d'œil. Non, il n'avait pas d'ordre à donner, ce serait pour une autre fois. Mathias, n'osant s'attaquer au célèbre Amadieu, penché au-dessus d'une salade de homard, en train de causer à voix basse avec Mazot, revint vers Salmon, qui prit la côte, l'étudia longuement, puis l'arrondit, sans un mot. La salle s'animait. D'autres remisiers, à chaque minute, en faisaient battre les portes. Des paroles hautes s'échangeaient de loin. Toute une passion d'affaires montait à mesure que s'avançait l'heure. Et Saccard, dont les regards retournaient sans cesse au dehors, voyait aussi la place se remplir peu à peu, les voitures et les piétons affluer. Tandis que sur les marches de la bourse, éclatantes de soleil, des taches noires, des hommes se montraient déjà, un à un. « Je vous répète, dit Mosé de sa voix désolée, que ces élections complémentaires du 20 mars sont un symptôme des plus inquiétants. Enfin, c'est aujourd'hui Paris tout entier acquis à l'opposition. » Mais Pillerault haussait les épaules. Carnot et Garnier-Pagès, de plus, sur les bancs de la gauche, qu'est-ce que ça pouvait faire ? C'est comme la question des duchés, reprit Mosé. Eh bien, elle est grosse de complications. Certainement, vous avez beau rire. Je ne dis pas que nous devions faire la guerre à la Prusse pour l'empêcher de s'engraisser aux dépens du Danemark. Seulement, il y avait des moyens d'action. Oui, oui, lorsque les gros se mettent à manger les petits, on ne sait jamais où ça s'arrête. Et quant au Mexique... Pillerault, qui était dans un de ses jours de satisfaction universelle, l'interrompit d'un éclat de rire. « Non, mon cher, ne vous ennuyez plus avec vos terreurs sur le Mexique. Le Mexique, ce sera la page glorieuse du règne. Où diable prenez-vous que l'Empire soit malade ? Est-ce qu'en janvier, l'emprunt de 300 millions n'a pas été couvert plus de 15 fois ? Un succès écrasant ! Tenez, je vous donne rendez-vous en 67. » Oui, dans 3 ans d'ici, lorsqu'on ouvrira l'exposition universelle que l'empereur vient de décider. « Je vous dis que tout va mal, » affirma désespérément Mosé. « Hé, fichez-nous la paix, tout va bien !» Salmon les regardait l'un après l'autre, en souriant de son air profond. Et Saccard, qui les avait écoutés, ramenait aux difficultés de sa situation personnelle cette crise où l'Empire semblait entrer. Lui, une fois encore, était par terre. Est-ce que cet Empire qu'il avait fait allait comme lui culbuter, croulant tout d'un coup de la destinée la plus haute à la plus misérable ? Ah, depuis 12 ans qu'il l'avait aimé et défendu, ce régime où il s'était senti vivre, pousser, se gorger de sève, ainsi que l'arbre dont les racines plongent dans le terreau, qui lui convient. Mais si son frère voulait l'en arracher, si on le retranchait de ce qui épuisait le sol gras des jouissances, que tout fût donc emporté dans la grande débâcle finale des nuits de fête. Maintenant, il attendait ses asperges, absent de la salle où l'agitation croissait sans cesse, envahi par des souvenirs. Dans une large glace, en face, il venait d'apercevoir son image, et elle l'avait surpris. L'âge ne mordait pas sur sa petite personne. Ses 50 ans n'en paraissaient guère que 38. Il gardait une maigreur, une vivacité de jeune homme. Même avec les années, son visage noir et creusé de marionnette, au nez pointu, aux minces yeux luisants, c'était comme arrangé, avait pris le charme de cette jeunesse persistante, si souple, si active, les cheveux touffus encore, sans un fil blanc. Et, invinciblement, il se rappelait son arrivée à Paris, au lendemain du coup d'État, le soir d'hiver où il était tombé sur le pavé, les poches vides, affamé, ayant toute une rage d'appétits à satisfaire. Ah, cette première course à travers les rues, lorsque, avant même de défaire sa malle, il avait eu le besoin de se lancer par la ville avec ses bottes éculées, son paletot graisseux, pour la conquérir. Depuis cette soirée, il était souvent monté très haut. Un fleuve de millions avait coulé entre ses mains, sans que jamais il eût possédé la fortune en esclave, ainsi qu'une chose à soi dont on dispose, qu'on tient sous clé, vivante, matérielle. Toujours le mensonge, la fiction avait habité ces caisses, que des trous inconnus semblaient vider de leur or. Puis, voilà qu'il se retrouvait sur le pavé, comme à l'époque lointaine du départ, aussi jeune, aussi affamé, inassouvi toujours, torturé du même besoin de jouissance et de conquête. Il avait goûté à tout et il ne s'était pas rassasié, n'ayant pas eu l'occasion ni le temps, croyait-il, de mordre assez profondément dans les personnes et dans les choses. À cette heure, il se sentait cette misère d'être sur le pavé, moins qu'un débutant qu'aurait soutenu l'illusion et l'espoir. Et une fièvre le prenait de tout recommencer, pour tout reconquérir, de monter plus haut qu'il n'était jamais monté, de poser enfin le pied sur la cité conquise. Non plus la richesse menteuse de la façade, mais l'édifice solide de la fortune, la vraie royauté de l'or trônant sur des sacs plats. La voix de Mosé, qui s'élevait de nouveau, aigre et très aiguë, tira un instant sa carte de ses réflexions. L'expédition du Mexique coûte 14 millions par mois, c'est Thiers qui l'a prouvé. Et il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que dans la chambre, la majorité est ébranlée. Ils sont 30 et quelques maintenant à gauche. L'empereur lui-même comprend bien que le pouvoir absolu devient impossible puisqu'il se fait le promoteur de la liberté. Pillerault ne répondait plus, se contentait de ricaner d'un air de mépris. « Oui, je sais, le marché vous paraît solide, les affaires marchent, mais attendez la fin. On a trop démoli et trop reconstruit à Paris, voyez-vous. Les grands travaux ont épuisé l'épargne. Quant aux puissantes maisons de crédit qui vous semblent si prospères, attendez qu'une d'elles fasse le saut et vous les verrez toutes culbuter à la file. Sans compter que le peuple se remue. Cette association internationale des travailleurs qu'on vient de fonder pour améliorer la condition des ouvriers m'effraie beaucoup, moi. Il y a en France une protestation, un mouvement révolutionnaire qui s'accentue chaque jour. Je vous dis que le ver est dans le fruit. Tout crèvera. » Alors ce fut une protestation bruyante. Ce sacré Mosé avait sa crise de foi, décidément. Mais lui-même, en parlant, ne quittait pas des yeux la table voisine où Mazot et Amadieu continuaient, dans le bruit, à causer très bas. Peu à peu, la salle entière s'inquiétait de ces longues confidences. Qu'avaient-ils à se dire pour chuchoter ainsi? Sans doute, Amadieu donnait des ordres, préparait un coup. Depuis 3 jours, de mauvais bruits couraient sur les travaux de Suez. Mosé cligna les yeux, baissa également la voix. « Vous savez, les Anglais veulent empêcher qu'on travaille là-bas. On pourrait bien avoir la guerre. » Cette fois, Pillerault fut ébranlé par l'énormité même de la nouvelle. C'était incroyable. Et tout de suite, le mot vola de table en table, acquérant la force d'une certitude. L'Angleterre avait envoyé un ultimatum demandant la cessation immédiate des travaux. Amadieu, évidemment, ne causait que de ça avec Mazot, à qui il donnait l'ordre de vendre tous ses Suez. Un bourdonnement de panique s'éleva dans l'air chargé d'odeurs grasses, au milieu du bruit croissant des vaisselles remuées. Et à ce moment, ce qui porta l'émotion à son comble, ce fut l'entrée brusque d'un commis de l'agent de change, le petit Flory, un garçon à figure tendre, mangé d'une épaisse barbe châtaine. Il se précipita, un paquet de fiches à la main, et les remit au patron en lui parlant à l'oreille. « Bon, » répondit simplement Mazot, qui classa les fiches dans son carnet. Puis, tirant sa montre, « Bientôt midi, dites à Berthier de m'attendre. » Et soyez là vous-même, montez chercher les dépêches. » Lorsque Flory s'en fut allé, il reprit sa conversation avec Amadieu, tira d'autres fiches de sa poche, qu'il posa sur la nappe, à côté de son assiette. Et à chaque minute, un client qui partait se penchait au passage, lui disait un mot qu'il inscrivait rapidement sur un des bouts de papier entre 2 bouchées. La fausse nouvelle, venue on ne savait d'où, née de rien, grossissait comme une nuée d'orage. « Vous vendez, n'est-ce pas ?» demanda Mosé à Salmon. mais le muet sourire de ce dernier fut si aiguisé de finesse qu'il en resta anxieux, doutant maintenant de cet ultimatum de l'Angleterre qu'il ne savait même pas avoir inventé. « Moi, j'achète tant qu'on voudra !» conclut Pillerault avec sa témérité vaniteuse de joueur sans méthode. Les tempes chauffées par la griserie du jeu que fouettait cette fin bruyante de déjeuner dans l'étroite salle, Saccard s'était décidé à manger ses asperges, en s'irritant de nouveau contre Huré, sur lequel il ne comptait plus. Depuis des semaines, lui, si prompt à se résoudre, il hésitait, combattu d'incertitude. Il sentait bien l'impétueuse nécessité de faire peau neuve, et il avait rêvé d'abord une vie toute nouvelle dans la haute administration ou dans la politique. Pourquoi le corps législatif ne l'aurait-il pas mené au Conseil des ministres comme son frère? Ce qu'il reprochait à la spéculation, c'était la continuelle instabilité, les grosses sommes aussi vite perdues que gagnées. Jamais il n'avait dormi sur le million réel, ne devant rien à personne. Et à cette heure où il faisait son examen de conscience, il se disait qu'il était peut-être trop passionné pour cette bataille de l'argent, qui demandait tant de sang-froid. Cela devait expliquer comment, après une vie si extraordinaire de luxe et de gêne, il sortait vidé, brûlé, de ces 10 années de formidable trafic sur les terrains du Nouveau Paris, dans lesquels tant d'autres, plus lourds, avaient ramassé de colossales fortunes. Oui, peut-être s'était-il trompé sur ses véritables aptitudes. Peut-être triompherait-il d'un bond dans la bagarre politique, avec son activité et sa foi ardente. Tout allait dépendre de la réponse de son frère. Si celui-ci le repoussait, le rejetait au gouffre de l'agio, eh bien, ce serait sans doute tant pis pour lui et les autres. Il risquerait le grand coup dont il ne parlait encore à personne. L'affaire énorme qu'il rêvait depuis des semaines et qu'il effrayait lui-même, tellement elle était vaste. Faite si elle réussissait ou si elle croulait, pour remuer le monde. Pillerault élevait la voix. « Mazot, est-ce fini l'exécution de Schlosser ?»« Oui, répondit l'agent de change. « L'affiche sera mise aujourd'hui. Que voulez-vous, c'est toujours ennuyeux, mais j'avais reçu les renseignements les plus inquiétants et je l'ai escompté le premier. Il faut bien, de temps à autre, donner un coup de balai. » « On m'a affirmé, dit Mosé, que vos collègues, Jacobi et Delaroque, y étaient pour des sommes rondes. » L'agent eut un geste vague. « Bah, c'est la part du feu. » Ce Schlosser devait être d'une bande et il sera quitte pour aller écumer la bourse de Berlin ou de Vienne. Les yeux de Saccard s'étaient portés sur Sabatani, dont un hasard lui avait révélé l'association secrète avec Schlosser. Tous deux jouaient le jeu connu, l'un à la hausse, l'autre à la baisse, sur une même valeur, celui qui perdait en étant quitte pour partager le bénéfice de l'autre et disparaître. Mais le jeune homme payait tranquillement l'addition du déjeuner fin qu'il venait de faire, puis, avec sa grâce caressante d'oriental matinée d'italien, il vint serrer la main de Mazot, dont il était le client. Il se pencha, donna un ordre que celui-ci écrivit sur une fiche. « Il vend ses Suez !» murmura Mosé. Et tout haut, cédant à un besoin, malade de doute, « Hein? Que pensez-vous du Suez ?» Un silence se fit dans le brouhaha des voix. Toutes les têtes des tables voisines se tournèrent. La question résumait l'anxiété croissante. Mais le dos d'Amadieu, qui avait simplement invité Mazot pour lui recommander un de ses neveux, restait impénétrable, n'ayant rien à dire. Tandis que l'agent, que les ordres de vente qu'il recevait commençaient à étonner, se contentait de hocher la tête par une habitude professionnelle de discrétion. « Le Suez, c'est très bon !» déclara de sa voix chantante Sabatani, qui, avant de sortir, se dérangea de son chemin pour serrer galamment la main de Saccar. Et Saccar garda un moment la sensation de cette poignée de main si souple, si fondante, presque féminine. Dans son incertitude de la route à prendre, de sa vie à refaire, il les traitait tous de filous, ceux qui étaient là. Ah, si on l'y forçait, comme il les traquerait, comme il les tondrait, les Mosés trembleurs, les Pillerauds vantards, et ces Salmons plus creux que des courges, et ces Amadieux dont le succès a fait le génie. Le bruit des assiettes et des verres avait repris, les voix s'enrouaient, les portes battaient plus fort, dans la hâte qui les dévorait tous d'être là-bas, au jeu, si une débâcle devait se produire sur le Suez. Et par la fenêtre, au milieu de la place sillonnée de fiacres, encombrée de piétons, il voyait les marches ensoleillées de la bourse comme mouchetées maintenant d'une montée continue d'insectes humains, des hommes correctement vêtus de noir, qui peu à peu garnissaient la colonnade, pendant que, derrière les grilles, apparaissaient quelques femmes, vagues, rôdant sous les marronniers. Brusquement, au moment où il entamait le fromage qu'il venait de commander, une grosse voix lui fit lever la tête. « Je vous demande pardon, mon cher, il m'a été impossible de venir plus tôt. » Enfin, c'était Huré, un Normand du Calvados, une figure épaisse et large de paysan rusé, qui jouait l'homme simple. Tout de suite, il se fit servir n'importe quoi, le plat du jour, avec un légume. « Eh bien ?» demanda sèchement Saccar, qui se contenait. Mais l'autre ne se pressait pas, le regardait en homme financier et prudent. Puis, en se mettant à manger, avançant la face et baissant la voix, « Eh bien, j'ai vu le grand homme. Oui, chez lui, ce matin. Oh, il a été très gentil pour vous. » Il s'arrêta, but un grand verre de vin, se mit une pomme de terre dans la bouche. « Alors ?»« Alors, mon cher, voici. Il veut bien faire pour vous tout ce qu'il pourra. Il vous trouvera une très jolie situation, mais pas en France. » Ainsi, par exemple, gouverneur dans une de nos colonies, une des bonnes, vous y seriez le maître, un vrai petit prince. Saccar était devenu blême. Dites donc, c'est pour rire? Vous vous fichez du monde? Pourquoi pas tout de suite la déportation? Ah, il veut se débarrasser de moi? Qu'il prenne garde que je finisse par le gêner pour de bon. Huré restait la bouche pleine, conciliant. Voyons, voyons, on ne veut que votre bien, laissez-nous faire. Que je me laisse supprimer, n'est-ce pas? Tenez, tout à l'heure on disait que l'Empire n'aurait bientôt plus une faute à commettre. Oui, la guerre d'Italie, le Mexique, l'attitude vis-à-vis de la Prusse. Ma parole, c'est la vérité. Vous ferez tant de bêtises et de folies que la France entière se lèvera pour vous flanquer dehors. Du coup, le député, la fidèle créature du ministre, s'inquiéta, pâlissant, regardant autour de lui. « Ah, permettez, permettez, je ne peux pas vous suivre. Rougon est un honnête homme, il n'y a pas de danger tant qu'il sera là. Non, n'ajoutez rien, vous le méconnaissez, je tiens à le dire. » Violemment, étouffant sa voix entre ses dents serrées, Saccar l'interrompit. « Soit, aimez-le, faites votre cuisine ensemble. Oui ou non, veut-il me patronner ici, à Paris ?»« À Paris, jamais. » Sans ajouter un mot, il se leva, appela le garçon pour payer, tandis que, très calme, Huré, qui connaissait ses colères, continuait à avaler de grosses bouchées de pain et le laissait aller, de peur d'un esclandre. Mais, à ce moment, dans la salle, il y eut une forte émotion. Gundermann venait d'entrer, le banquier roi, le maître de la bourse et du monde, un homme de 60 ans, dont l'énorme tête chauve, au nez épais, aux yeux ronds, à fleur de tête, exprimait un entêtement et une fatigue immenses. Jamais il n'allait à la bourse, affectant même de n'y pas envoyer de représentant officiel. Jamais non plus il ne déjeunait dans un lieu public. Seulement, de loin en loin, il lui arrivait, comme ce jour-là, de se montrer au restaurant Champeau, où il s'asseyait à une des tables pour se faire simplement servir un verre d'eau de Vichy sur une assiette. Souffrant depuis 20 ans d'une maladie d'estomac, il ne se nourrissait absolument que de lait. Tout de suite, le personnel fut en l'air pour apporter le verre d'eau, et tous les convives présents s'aplatirent. Mosé, l'air anéanti, contemplait cet homme qui savait les secrets, qui faisait à son gré la hausse ou la baisse, comme Dieu fait le tonnerre. Pillerault lui-même le saluait, n'ayant foi qu'en la force irrésistible du milliard. Il était 12h30, et Mazot, qui lâchait vivement à Madieu, revint, se courba devant le banquier, dont il avait parfois l'honneur de recevoir un ordre. Beaucoup de boursiers étaient ainsi en train de partir, qui restèrent debout, entourant le dieu, lui faisant une cour d'échine respectueuse au milieu de la débandade des nappes salies. Et il le regardait avec vénération prendre le verre d'eau d'une main tremblante et le porter à ses lèvres décolorées. Autrefois, dans les spéculations sur les terrains de la plaine Monceau, Saccard avait eu des discussions, toute une brouille même, avec Gundermann. Ils ne pouvaient s'entendre. L'un passionné et jouisseur, l'autre sobre et d'une froide logique. Aussi, le premier, dans sa colère, exaspéré encore par cette entrée triomphale, s'en allait-il lorsque l'autre l'appela. « Dites donc, mon bon ami, est-ce vrai, vous, les affaires ? Ma foi, vous faites bien, ça vaut mieux. » Ce fut pour Saccard un coup de fouet en plein visage. Il redressa sa petite taille, il répliqua d'une voix aiguë comme une épée. « Je fonde une maison de crédit au capital de 25 millions et je compte aller vous voir bientôt. » Et il sortit, laissant derrière lui le brouhaha ardent de la salle où tout le monde se bousculait pour ne pas manquer l'ouverture de la bourse. Ah ! Réussir enfin ! Remettre le talon sur ces gens qui lui tournaient le dos et lutter de puissance avec ce roi de l'or et l'abattre peut-être un jour. Il n'était pas décidé à lancer sa grande affaire. Il demeurait surpris de la phrase que le besoin de répondre lui avait tirée. Mais pourrait-il tenter la fortune ailleurs maintenant que son frère l'abandonnait et que les hommes et les choses le blessaient pour le rejeter à la lutte, comme le taureau saignant est ramené dans l'arène? Un instant, il resta frémissant au bord du trottoir. C'était l'heure active où la vie de Paris sembla fluer sur cette place centrale, entre la rue Montmartre et la rue Richelieu, les deux artères engorgées qui charrient la foule. Des quatre carrefours, ouverts aux quatre angles de la place, des flots ininterrompus de voitures coulaient, sillonnant le pavé, au milieu des remous d'une cohue de piétons. Sans arrêt, les deux files de fiacres de la station, le long des grilles, se rompaient et se reformaient. Tandis que, sur la rue Vivienne, les victorias des remisiers s'allongeaient en un rang pressé que dominaient les cochers, guides en main, prêts à fouetter au premier ordre. Envahis, les marches et le péristyle étaient noirs d'un fourmillement de redingotes. Et de la coulisse, installée déjà sous l'horloge et fonctionnant, montait la clameur de l'offre et de la demande, ce bruit de marée de l'agio, victorieux du grondement de la ville. Des passants tournaient la tête dans le désir et la crainte de ce qui se faisait là. Ce mystère des opérations financières où peu de cervelle française pénètre. Ces ruines, ces fortunes brusques qu'on ne s'expliquait pas, parmi cette gesticulation et ces cris barbares. Et lui, au bord du ruisseau, assourdi par les voix lointaines, coudoyé par la bousculade des gens pressés, il rêvait une fois de plus la royauté de l'or, dans ce quartier de toutes les fièvres, où la bourse, d'une heure à trois, bat comme un cœur énorme au milieu. Mais depuis sa déconfiture, il n'avait point osé rentrer à la bourse. Et ce jour-là encore, un sentiment de vanité souffrante, la certitude d'y être accueilli en vaincu, l'empêchait de monter les marches. Comme les amants chassés de l'alcôve d'une maîtresse qu'ils désirent davantage, même en croyant l'exécrer, il revenait fatalement là. Il faisait le tour de la colonnade sous des prétextes, traversant le jardin, marchant d'un pas de promeneur à l'ombre des marronniers. Dans cette sorte de square poussiéreux, sans gazon ni fleurs, où grouillait sur les bancs, parmi les urinoirs et les kiosques à journaux, un mélangé de spéculateurs louches et de femmes du quartier, en cheveux, allaitant des poupons, il affectait une flânerie désintéressée, levait les yeux, guettait, avec la furieuse pensée qu'il faisait le siège du monument, qu'il lancerait d'un cercle étroit pour y entrer un jour en triomphateur. Il pénétra dans l'angle de droite, sous les arbres qui font face à la rue de la Banque, et tout de suite, il tomba sur la petite bourse des valeurs déclassées. Les pieds humides, comme on appelle avec un ironique mépris, ces joueurs de la brocante, qui cotent, en plein vent, dans la boue des jours pluvieux, les titres des compagnies mortes. Il y avait là, en un groupe tumultueux, toute une juiverie malpropre, de grasses faces luisantes, des profils desséchés d'oiseaux voraces, une extraordinaire réunion de nez typiques, rapprochés les uns des autres, ainsi que sur une proie, s'acharnant au milieu de cris gutturaux et comme près de se dévorer entre eux. Il passait, lorsqu'il aperçut un peu à l'écart, un gros homme, en train de regarder au soleil un rubis qu'il levait en l'air, délicatement, entre ses doigts énormes et sales. « Tiens, Bush, vous me faites songer que je voulais monter chez vous. » Bush, qui tenait un cabinet d'affaires rue Feydeau, au coin de la rue Vivienne, lui avait, à plusieurs reprises, était d'une utilité grande en des circonstances difficiles. Il restait extasié à examiner l'eau de la pierre précieuse, sa large face plate renversée, ses gros yeux gris comme éteints par la lumière vive. Et l'on voyait, roulée en corde, la cravate blanche qu'il portait toujours, tandis que sa redingote d'occasion, anciennement superbe, mais extraordinairement râpée et maculée de taches, remontait jusque dans ses cheveux pâles, qui tombaient en mèches rares et rebelles de son crâne nu. Son chapeau, roussi par le soleil, lavé par les averses, n'avait plus d'âge. Enfin, il se décida à redescendre sur terre. « Ah, monsieur Saccard, vous faites un petit tour par ici ?»« Oui, c'est une lettre en langue russe, une lettre d'un banquier russe établi à Constantinople. » Alors j'ai pensé à votre frère pour me la traduire. » Bush, qui, d'un mouvement d'inconscient et tendre, roulait toujours le rubis dans sa main droite, tendit la gauche en disant que le soir même la traduction serait envoyée. Mais Saccard expliqua qu'il s'agissait seulement de 10 lignes. « Je vais monter, votre frère me lira ça tout de suite. » Et il fut interrompu par l'arrivée d'une femme énorme. Madame Méchain, bien connue des habitués de la bourse, une de ces enragées et misérables joueuses dont les mains grasses tripotent dans toutes sortes de louches besognes. Son visage de pleine lune, bouffi et rouge, aux minces yeux bleus, au petit nez perdu, à la petite bouche d'où sortait une voix flûtée d'enfant, semblait déborder du vieux chapeau mauve, noué de travers par des bris de grenat. Et la gorge géante et le ventre hydropique crevaient la robe de popeline verte mangée de boue, tournée au jaune. Elle tenait au bras un antique sac de cuir noir, immense, aussi profond qu'une valise, qu'elle ne quittait jamais. Ce jour-là, le sac gonflé, plein à crever, la tirait à droite, penchée comme un arbre. « Vous voilà !» dit Bush qui devait l'attendre. « Oui, et j'ai reçu les papiers de Vendôme, je les apporte. »« Bon, filons chez moi, rien à faire aujourd'hui ici. » Saccard avait eu un regard vacillant sur le vaste sac de cuir. Il savait que, fatalement, allaient tomber là les titres déclassés, les actions des sociétés mises en faillite, sur lesquelles les pieds humides agiotent encore. Des actions de 500 francs qu'ils se disputent à 20 sous, à 10 sous, dans le vague espoir d'un relèvement improbable. Ou plus pratiquement comme une marchandise scélérate qu'ils cèdent avec bénéfice aux banquiers désireux de gonfler leurs passifs. Dans les batailles meurtrières de la finance, la méchant était le corbeau qui suivait les armées en marche. Pas une compagnie, pas une grande maison de crédit ne se fondait sans qu'elle apparût avec son sac, sans qu'elle flairât l'air attendant les cadavres, même aux heures prospères des émissions triomphantes. Car elle savait bien que la déroute était fatale, que le jour du massacre viendrait, où il y aurait des morts à manger, des titres à ramasser pour rien dans la boue et dans le sang. Et lui, qui roulait son grand projet d'une banque, eut un léger frisson, fut traversé d'un pressentiment à voir ce sac, ce charnier des valeurs dépréciées, dans lequel passait tout le sale papier balayé de la bourse. Comme Bush emmenait la vieille femme, Saccard le retint. « Alors, je puis monter, je suis certain de trouver votre frère ?» Les yeux du juif s'adoucirent, exprimèrent une surprise inquiète. « Mon frère, mais certainement, où voulez-vous qu'il soit ?»« Très bien, à tout à l'heure. » Et Saccard, les laissant s'éloigner, poursuivit sa marche lente le long des arbres vers la rue Notre-Dame-des-Victoires. Ce côté de la place est un des plus fréquentés, occupé par des fonds de commerce, des industries en chambre, dont les enseignes d'or flambaient sous le soleil. Des stores battaient au balcon, toute une famille de province restait béante à la fenêtre d'un hôtel meublé. Machinalement, il avait levé la tête, regardé ces gens dont l'ahurissement le faisait sourire, en le réconfortant par cette pensée qu'il y aurait toujours, dans les départements, des actionnaires. Derrière son dos, la clameur de la bourse, le bruit de la marée lointaine continuait, l'obsédait, ainsi qu'une menace d'engloutissement qui allait le rejoindre. Mais une nouvelle rencontre l'arrêta. « Comment, Jordan, vous à la bourse ? » s'écria-t-il en serrant la main d'un grand jeune homme brun aux petites moustaches, à l'air décidé et volontaire. Jordan, dont le père, un banquier de Marseille, s'était autrefois suicidé à la suite de spéculations désastreuses, battait depuis 10 ans le pavé de Paris, enragé de littérature, dans une lutte brave contre la misère noire. Un de ses cousins, installé à Plassans, où il connaissait la famille de Saccard, l'avait autrefois recommandé à ce dernier, lorsque celui-ci recevait tout Paris en son hôtel du parc Monceau. « Oh, à la bourse, jamais !» répondit le jeune homme avec un geste violent, comme s'il chassait le souvenir tragique de son père. Puis, se remettant à sourire, « Vous savez que je me suis mariée ? Oui, avec une petite amie d'enfance. On nous avait fiancés au jour où j'étais riche, et elle s'est entêtée à vouloir quand même du pauvre diable que je suis devenue. Parfaitement, j'ai reçu la lettre de faire part. » dit Saccard. Et imaginez-vous que j'ai été en rapport autrefois avec votre beau-père, M. Maugendre, lorsqu'il avait sa manufacture de bâches à la Villette. Il a dû y gagner une jolie fortune. Cette conversation avait lieu près d'un banc, et Jordan l'interrompit pour présenter un monsieur, gros et court, à l'aspect militaire, qui se trouvait assis et avec lequel il causait lors de sa rencontre. « Monsieur le capitaine Chave, un oncle de ma femme. Madame Maugendre, ma belle-mère, est une Chave de Marseille. » Le capitaine s'était levé et Saccard salua. Celui-ci connaissait de vue cette figure apoplectique, au cou raidi par l'usage du col de crin, un de ces types d'infimes joueurs au comptant, qu'on était certain de rencontrer tous les jours, là, d'une heure à trois. C'est un jeu de gagne petit, un gain presque assuré de 15 à 20 francs qu'il faut réaliser dans la même bourse. Jordan avait ajouté avec son bon rire, expliquant sa présence, « Un boursier féroce, mon oncle, dont je ne fais parfois que serrer la main en passant. »« Dame, » dit simplement le capitaine, « il faut bien jouer, puisque le gouvernement, avec sa pension, me laisse crever de faim. » Ensuite, Saccard, que le jeune homme intéressait par sa bravoure à vivre, lui demanda si les choses de la littérature marchaient. Et Jordan, s'égayant encore, raconta l'installation de son pauvre ménage à un cinquième de l'avenue de Clichy. Car les mots gendres, qui se défiaient d'un poète, croyant avoir beaucoup fait en consentant au mariage, n'avaient rien donné, sous le prétexte que leur fille, après eux, aurait leur fortune intacte, engraissée d'économie. Non, la littérature ne nourrit pas son homme. Il avait en projet un roman qu'il ne trouvait pas le temps d'écrire, et il était entré forcément dans le journalisme, où il bâclait tout ce qui concernait son état, depuis des chroniques jusqu'à des comptes rendus de tribunaux et même des faits divers. « Eh bien, » dit Saccard, « si je monte ma grande affaire, j'aurai peut-être besoin de vous. Venez donc me voir. » Après avoir salué, il tourna derrière la bourse. Là, en effet, la clameur lointaine, les abois du jeu cessèrent, ne furent qu'une rumeur vague, perdue dans le grondement de la place. De ce côté, les marches étaient également envahies de monde, mais le cabinet des agents de change, dont on voyait les tentures rouges par les hautes fenêtres, isolait du vacarme de la grande salle la colonnade où des spéculateurs, les délicats, les riches, s'étaient assis commodément à l'ombre, quelques-uns seuls, d'autres par petits groupes, transformant en une sorte de club ce vaste péristyle ouvert au plein ciel. C'était un peu, ce derrière du monument, comme l'envers d'un théâtre, l'entrée des artistes, avec la rue louche et relativement tranquille, cette rue Notre-Dame-des-Victoires, occupée toute par des marchands de vin, des cafés, des brasseries, des tavernes, grouillant d'une clientèle spéciale, étrangement mêlée. Les enseignes indiquaient aussi la végétation mauvaise, poussée au bord d'un grand cloaque voisin des compagnies d'assurance malfamées, des journaux financiers de brigandage, des sociétés, des banques, des agences, des comptoirs, la série entière des modestes coupe-gorges, installées dans des boutiques ou à des entresols larges comme la main. Sur les trottoirs, au milieu de la chaussée, partout, des hommes rôdaient, attendaient, ainsi qu'à la corne d'un bois. Saccard s'était arrêté à l'intérieur des grilles, levant les yeux sur la porte qui conduit au cabinet des agents de change, avec le regard aigu d'un chef d'armée examinant sous toutes ses faces la place dont il veut tenter l'assaut, lorsqu'un grand gaillard, qui sortait d'une taverne, traversa la rue et vint s'incliner très bas. « Ah, monsieur Saccard, n'avez-vous rien pour moi ? J'ai quitté définitivement le crédit immobilier, je cherche une situation. » Jean Trou était un ancien professeur, venu de Bordeaux à Paris à la suite d'une histoire restée louche. Obligé de quitter l'université, déclassé, mais beau garçon avec sa barbe noire en éventail et sa calvitie précoce, d'ailleurs lettré, intelligent et aimable, il était débarqué à la Bourse vers 28 ans, s'y était traîné et sali pendant 10 ans comme remisier, en y gagnant guère que l'argent nécessaire à ses vices. Et aujourd'hui, tout à fait chauve, se désolant ainsi qu'une fille dont les rides menacent le gagne-pain, il attendait toujours l'occasion qui devait le lancer au succès, à la fortune. Saccard, à le voir si humble, se rappela avec amertume le salut de sa Batanie chez Champeau. Décidément, les tarés et les ratés seuls lui restaient. Mais il n'était pas sans estime pour l'intelligence vive de celui-ci, et il savait bien qu'on fait les troupes les plus braves avec les désespérés, ceux qui osent tout, ayant tout à gagner. Il se montra bonhomme. « Une situation, répéta-t-il. Eh, ça peut se trouver, venez me voir. » « Rue Saint-Lazare maintenant, n'est-ce pas ?»« Oui, rue Saint-Lazare, le matin. » Ils causèrent. Jantrou était très animé contre la bourse, répétant qu'il fallait être un coquin pour y réussir, avec la rancune d'un homme qui n'avait pas eu la coquinerie chanceuse. C'était fini, il voulait tenter autre chose. Il lui semblait que, grâce à sa culture universitaire, à sa connaissance du monde, il pouvait se faire une belle place dans l'administration. Saccard l'approuvait d'un hochement de tête. Et comme ils étaient sortis des grilles, longeant le trottoir jusqu'à la rue Brongniart, tous deux s'intéressèrent à un coupé sombre, d'un attelage très correct, qui était arrêté dans cette rue, le cheval tourné vers la rue Montmartre, tandis que le dos du cocher, haut perché, demeurait d'une immobilité de pierre. Ils avaient remarqué qu'une tête de femme, à deux reprises, paraissait à la portière et disparaissait vivement. Tout d'un coup, la tête se pencha, s'oublia avec un long regard d'impatience en arrière, du côté de la bourse. « La baronne Sandorf !» murmura Saccard. C'était une tête brune très étrange, des yeux noirs brûlants sous des paupières meurtries, un visage de passion à la bouche saignante, et que gâtait seulement un nez trop long. Elle semblait fort jolie, d'une maturité précoce pour ses 25 ans, avec son air de bacchante habillée par les grands couturiers du règne. « Oui, la baronne !» répéta Jantrou. « Je l'ai connue quand elle était jeune fille chez son père, le comte de Ladricourt. » Oh, un enragé joueur, et d'une brutalité révoltante. J'allais prendre ses ordres chaque matin. Il a failli me battre un jour. Je ne l'ai pas pleuré, celui-là, quand il est mort d'un coup de sang, ruiné, à la suite d'une série de liquidations lamentables. La petite, alors, a dû se résoudre à épouser le baron Sandorf, conseiller à l'ambassade d'Autriche, qui avait 35 ans de plus qu'elle, et qu'elle avait positivement rendu fou avec ses regards de feu. « Je sais, » dit simplement Saccard. De nouveau, la tête de la baronne avait replongé dans le coupé. Mais presque aussitôt, elle reparut, plus ardente, le cou tordu pour voir au loin sur la place. « Elle joue, n'est-ce pas ?»« Oh, comme une perdue ! Tous les jours de crise, on peut la voir là, dans sa voiture, guettant les cours. » Prenant fiévreusement des notes sur son carnet, donnant des ordres. Et tenez, c'était Massias qu'elle attendait, le voici qui la rejoint. En effet, Massias courait de toute la vitesse de ses jambes courtes, sa côte à la main, et ils le virent qui s'accoudait à la portière du coupé, y plongeant la tête à son tour, en grande conférence avec la baronne. Puis, comme ils s'écartaient un peu pour ne pas être surpris dans leur espionnage, et comme le remisier revenait, toujours courant, ils l'appelèrent. Lui, d'abord, jeta un regard de côté, s'assurant que le coin de la rue le cachait. Ensuite, il s'arrêta net, essoufflé, son visage fleuri, congestionné, gai quand même, avec ses gros yeux bleus d'une limpidité enfantine. « Mais qu'est-ce qu'ils ont ? » cria-t-il. « Voilà le Suez qui dégringole. On parle d'une guerre avec l'Angleterre. Une nouvelle qui les révolutionne et qui vient on ne sait d'où. Je vous le demande un peu. La guerre. Qu'est-ce qui peut bien avoir inventé ça? À moins que ça ne se soit inventé tout seul. Enfin, un vrai coup de chien. » Jantrou cligna des yeux. La dame, mort toujours? Oh, enragée. Je porte ses ordres à Nathanson.